Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, me llamo Andrés y eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot. El mes de febrero, la canción francesa celebra su fiesta, que son les victoires de la musique, las victorias de la música. 12 categorías con en general 3 candidatos en cada categoría. Es la fiesta de los artistas franceses, pero no todos optan por cantar en francés, lo que nos obliga aquí a pasar de escuchar a algunos. Es una pena. Para compensar, escucharemos a candidatos no premiados en varias categorías. En la categoría artista masculino rivalizaban Vincent Delerme, Benjamin Biolay y Renaud. Se lo llevó Renaud. Nuestro amigo Renaud es un superviviente, como llevo diciendo en este programa. Sobrevivió a la depresión y al alcohol. Su último álbum, que llamó Renaud, fue el más vendido el año pasado en Francia. Vamos a escuchar un tema que se llama Les mots, las palabras. Es una reflexión sobre el arte de escribir canciones. Escribir y dar vida a las palabras os hace libre como el pájaro, os libera de todos los males, es un don del cielo que os coloca más cerca de los ángeles que de las angustias. Los poemas de un Brassens, de un Nougaro, la pluma de un Victor Hugo ilumina mi vida. Escuchemos Les mots de Renaud. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloigne des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Véronique Sanson, como ya dije el mes pasado, competía como artista femenina, pero no ganó. Ganó Jane con su magnífico primer álbum, pero en inglés. También estaba nominada Véronique Sanson a Mejor Canción Original. Tampoco ganó, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Et je l'appelle encore. La llamó otra vez. Se refiere a su madre, que Véronique Sanson confesó públicamente en un programa de televisión de gran audiencia que la ayudó a morir para aliviar sus sufrimientos. Toda la gente que mataron mi inocencia y mi cuerpo que llevó mi sufrimiento, eso me llevó de la risa a las lágrimas, me impide coger años. No pensaba poder hacerlo sin haber llamado a mi madre. La llamo otra vez. Vamos a escuchar Et je l'appelle encore de Véronique Sanson. J'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord. Et je l'appelle encore. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres encore une fois. Pas de cinéma, pas saison de larmes. J'avais faim de faire la guerre sans pouvoir appeler ma mère d'abord. Mais je l'appelle encore. Et je l'appelle encore. Silence à morale. Pas vraiment normal. Pour sortir des flammes sans plus jamais brûler mon âme. Je pouvais voir les hirondelles, le temps d'un vol et des ombrelles. Y a un goût amer qui reste longtemps parmi mes amis, mes amours et mes amants. Quand j'avais le goût des étincelles, quand j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. El grupo Radio Elvis se llevó el premio al álbum Revelación con su primer álbum Les Conquêtes, Las Conquistas. Radio Elvis es un grupo de tres miembros que practica un rock poético sobre una música acústica que recuerda mucho a Dominique A. No te olvidaré nunca, grité en la partida, pero la noche cayó hiriéndonos al azar. Para perdernos un poco más, ya a medida que la vida se alejaba, las dunas se desplazaban y tentaba suavemente contener los vientos. Escuchemos La Route, la carretera, de Radio Elvis. Je ne t'oublierai jamais, criai-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient mes naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre de la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance. Era el único grupo que canta en francés que concurría en la categoría Revelación Escena, así que vamos a escucharlo. Es un grupo de cinco miembros, dos de los cuales son los hijos de Catherine Ringer y Fred Chichin, los míticos componentes de los Rita Mitsuko, grupo estrella de los años 80-2000, hasta la muerte fulminante de Fred en el 2007. Buen relevo generacional. Se llaman Minuit porque, según ellos, la medianoche es la hora de la fiesta y del sueño, cuando todo puede pasar. Es una música entre rock y electro poético. Escuchemos recul, atrás, el reflejo del espejo me ha turbado esta mañana. He visto una mujer cuyos ojos amarillos se han elevado en mi alma, se han clavado en mi alma, perdón. He percibido en el fondo un torbellino de llamas, instante místico, pánico. Le he dicho, atrás, me das miedo. Escuchemos recul de minuit. Le reflet du miroir m'a troublé ce matin. J'y ai vu une femme, cheveux couleur carmin. Ses yeux jaunes ont transpercé mon âme, et j'ai perçu tout au fond un tourbillon de flammes. Instant mystique, panique, et je lui ai dit, recule, recule, recule, tu me fais peur. Recule, je crois que je meurs. Recule, recule, j'ai peur. M'ont glissé à l'oreille. Désormais, pauvre sotte, rien ne sera plus pareil. J'ai voulu fermer les yeux, mais mes muscles ne répondaient plus. J'ai voulu crier, mais ma bouche n'a pas voulu bouger. J'ai voulu courir. En la categoría álbum de canciones ganó Benjamin Biolay, un habituado de las victoires de la musique, ya que hizo el doblete en el 2010 en esta misma categoría y la de artista masculino. Es un compositor muy conocido antes de lanzarse al ruedo de la interpretación, ya que compuso para muchos de sus compañeros, entre otros Henri Salvador, que resucitó del olvido con Chambre avec vue en el año 2000. Tiene un estilo personal algo melancólico y poético. Llevaba varios años desaparecido, pero supo volver a encontrar la inspiración en Argentina con ese álbum que ya arrasa, un álbum mucho más luminoso que los anteriores, del que muchos comparan a Serge Gainsbourg. En este momento tiene 44 años. Palermo Hollywood, el título del álbum y del tema que vamos a escuchar, es el nombre de un barrio con mucha vida bohemia de Buenos Aires. Amanece por fin sobre Palermo, Hollywood. Un trans anda por la calle, me propina un codazo. Las chicas son guapas, las chicas son libres. Estoy cansado, la cabeza me da vueltas. El amor me llena la cabeza. Podría acostarme, pero tengo miedo de no renacer. Escuchemos Palermo, Hollywood de Benjamin Biolay.

l'insouciance qui nous fuit. Sentir son cœur qui s'amoindrit. Il est si tard aujourd'hui. Pas envie, pas envie, pas envie. Et l'insouciance qui nous fuit. Voilà le train qui me conduit. Les images et le bruit. La douleur et l'ennui. Et l'insouciance qui nous fuit. Voilà le vide qui me remplit. À l'antenne aujourd'hui. J'entends que l'on meurt, que l'on. Et l'insouciance qui nous fuit. L'insouciance qui n'a pas de prix. En esta misma categoría concurría también el grupo La Femme, La Mujer, con su nuevo álbum Mystère. Ya ganó en la categoría Álbum Revelación con su primer álbum Psychotropical Berlin en el 2014. Vamos a escuchar el tema Septiembre, Septiembre. El mes de septiembre va a empezar un poco de spleen, se acabó el verano. Como cada año siento el estrés que me impide gozar del final del verano. Por 9 meses estoy condenada. Vamos, despierta. Muéstrales que nadie elegirá por ti el lugar que ocuparás en esta sociedad. Escuchemos Septiembre de La Femme. Soirée. En la categoría de música urbana se llevó la recompensa el rapero Jules. Es un marsellés de 27 años con ya 6 álbumes en su haber y arrasando en su género. Vamos a escuchar My World, que es un himno a la no violencia. Como en Colombia, armado hasta los dientes, te haces el matón, pero solo eres un gorilla. Nada fantástico, ven a mi mundo, me aburres, fumas plástico. ¿A quién quieres matar? No irás muy lejos, te matarán, es la ley del AMPA. Escuchemos qué es que se pasa, qué es lo que pasa del álbum My World de Jules. C'est l'Amazonie. Comme en Colombie, armée jusqu'aux dents, c'est l'Amazonie. Ne joue pas trop le Mia. De toute façon, nos jours peu sont fiables. Cherche pas, je suis grillé. Pour me chercher, faudrait un miracle. À quoi tu joues là? Tu crois que je suis ton pote? Tu m'as pris pour qui là? Tu m'as ouvert les yeux. Oh mamma mia. Vous me faites tout chier. Et je m'en tape des gens qui a. Je jugerai pas moi sans savoir quitter. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. J'ai besoin de me vider. J'ai là, tu n'es le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi, je rentre en Asie. Viens donc dans ma world. J'ai là, tu vois pas, tu dors. J'ai là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique. Ah, ah, ah, yeah. Ah, ah, ah, yeah. Ah, ah, ah, yeah. Tu veux tirer, pas loin toi t'iras. Tu marcheras, tu monteras, mais plus tard on te tuera. C'est la loi du milieu, là où des armes et des go il y a. Ça te chasse comme à la corrida, ça sert à rien de faire le gorilla. Tu te rappelles, vous riez, maintenant vous êtes là. Heureusement j'ai trié, je ne regrette pas. Et j'esquive toutes ces billacs, sur bébé ils font la criade. Elles mordent pas, font que crier. Cherche une suite au Kyria. Rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Fais les choses à ma manière, tant mieux que ça a marché. Un peu de miel, je la monte en l'air. Coudrait, elle crie mon nom. Deux, trois belles paroles en l'air. Et elle me dit, t'es mon homme. Tu là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi, je rentre en Asie. Tu viens donc dans ma world. Tu là, tu vois pas, tu te. En la misma categoría de música urbana se quedó de vacío Kool Shen con su álbum Sur le fil du rasoir, en el filo de la navaja. Es un prestigioso rapero de 51 años desde que fue una de las almas del mítico grupo NTM. También es jugador de póker, un jugador premiado y un actor que compartió película con Isabelle Huppert. Sur le fil du rasoir es una crítica ácida a la falta de perspectivas de la sociedad actual, en particular la francesa. Somos conscientes de que el juego está amañado. Incluso los que fijan las reglas empiezan a entrar en pánico. Entonces agarran al poder cuando solo te queda el odio para emborracharte. Dudas entre quedarte quieto o armar jaleo. Escuchemos Sur le fil du rasoir de Cool Chen. Un peu sans savoir, la plante des pieds usés par le fil du rasoir. Ici c'est payant même pour t'asseoir, je te le conseille pas. À rester statique, y'a très peu d'additions qu'on paye pas. L'avenir est crispé, car même équipé, on a conscience que ces trucs éclédés sont pipés. Même ceux qui fixent les règles commencent à flipper. Maîtrise plus tout, donc le pouvoir il reste à gripper. Hollande, tu crois qu'il sait ce qu'il fait? Sarko, il a fait quoi à part se faire kiffer? On a pour s'empivrer, hein, étonnant à ce que ça bascule dans l'extrême. Quand il ne reste plus que la haine pour t'enivrer. Sur le fil du rasoir, on piétine des obstacles à chaque pas. Des soucis depuis la tétine. J'hésite entre le destin et le hasard. T'hésites entre rester calme et foutre le bazar. J'ai vu le monde changer en sens et des hommes plus dangereux qu'un cancer. Surgir de l'ombre, l'insensé. Avoir autant de savoir et voir comment on s'en sert. Fil du rasoir, un avenir aléatoire. J'ai vu le monde changer, change. Toi du monde, au fond du gouffre, dis-toi, y'a qu'un pas. Que malgré le taf, y'a des rêves qu'on n'atteint pas. Que malgré le pire, on veut le meilleur. Une vie passée à esquiver les putes et les mauvais payeurs. Personne n'est à l'abri, je le sais, c'est la vie qui me l'a appris. Nombreux sont les rires quand tu tombes, pas pour la prime. Font même la fête, si t'as tombé le diable pour se parier. Je me suis donc décidé à ne fier qu'à mes idées, puisqu'elles fonctionnent. Mon instinct pour me guider, marque on ponctionne. Avant d'être complètement vidé, je vais enquiller, mais sans crier. Remplir ma vie à envider mon encrier sur le fil du rasoir. Vaut mieux pas penser, vaut mieux pas savoir quand le diable t'invite à danser. Des œillères pour avancer, pour éviter de se rendre compte. Rentrer dans le game par la grande porte en grande pompe. J'ai vu le monde changer en sens et des hommes plus dangereux qu'un cancer. Surgir de l'ombre, l'insensé. Avoir autant de savoir et voir comment on s'en sert. Une vie sur le fil du rasoir. Un avenir aléatoire. J'ai vu le monde changer, change. Une partie des jeunes d'ici rêvent de Syrie, mais on grandit comme à Washington DC. Réveille-toi petit, les enjeux dépassent ici. Gourou de bouffe, le cerveau petit à petit. Sur le fil du rasoir, on peut se tromper d'ennemis. On a parfois du mal à voir ces échecs, plus facile d'être dans le déni. J'ai vu le monde changer en sens et des hommes plus dangereux qu'un cancer. Surgir de l'ombre, l'insensé. Avoir autant de savoir et voir comment on s'en sert. Une vie sur le fil du rasoir. Un avenir aléatoire. J'ai vu le monde changer, change. La mejor canción original la compuso y escribió Vianney. Este fenómeno de solo 26 años, pero que ya ha colocado sus dos álbumes de platino. Y el año pasado se llevó la victoria como mejor artista masculino. Un tío, por otra parte, muy singular, que recoge el mundo haciendo dedo. Esta canción se llama Je m'en vais, me voy. Dice... La que me mueve es mi pena más que el odio. Oh, mi carretera, Dios, como la quiero. Y dan vueltas en mi cabeza las imágenes de la película en la que eres bella y yo la bestia. Y la bella nunca es buena. Como dirás que nunca supe amarte al diablo tú y tus apóstoles. Escuchemos Je m'en vais de Vianney. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, C'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine. Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, ou diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Y para terminar, vamos a escuchar Feu, Fuego de Neuf Queux en la categoría espectáculo musical. Bueno, Feu es el álbum. Vamos a escuchar concretamente En el corazón del G, au cœur du G. Dice, déjame relajarme, la vida de un joven empresario es compleja, entre los enredos con la justicia y los enredos con mi ex, apenas 24 tacos, trabajo ya más que tu padre, difícil detenerme, imposible de casarse conmigo, ¿quieres estar conmigo? Yo ya no quiero pareja. Podemos volver a escuchar este programa y los anteriores en la página de La Chanson, en la página de Radiopolis. Hasta el lunes santo, me parece que es la próxima vez. Escuchemos Au cœur du G del álbum Feu de Neuf Queux. Laisse-moi décompresser la vie d'un jeune entrepreneur. bonheur est complexe. Entre les embrouilles avec la justice et les embrouilles avec mon ex. Et les embrouilles avec mes fournisseurs, les embrouilles pour descendre. J'suis dans un monde étourdissant, tu peux tout remonter, tout redescendre. Je redescendrai plus jamais. Mon ex m'a dit, je t'en prie, ne t'en va pas. 24 piges à peine, je travaille déjà plus que ton papa. Difficile de m'avoir, impossible de me marier. Cette mannequin faisait des manières, maintenant m'invite dans son manoir. Je sais pas ce qui s'est passé, j'apprécie les pièges. Mon pastis est glacé, la piscine est tiède. Elle veut être avec feu, mais moi je veux plus être en pleu coup. Sa main dans mes cheveux, je la laisse abîmer ma peu coup. Ses copines me regardent, genre quand est-ce qu'elle l'épouse. Ses copains me regardent, genre qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein. Je bédave tout ce caramello et j'accueille les deux jolies douceurs caramello. J'aime comment tu danses, les délétantes. Le toit est en feu, le feu est en toi. J'aime comment tu danses, les délétantes. Le toit est en feu, le feu est en toi. Moi te présenter ma team, si on vient du même quartier. Elle me regarde les yeux écarquillés, au milieu des jeunes éparpillés. J'ai ramené tous les zoulous dans son logis, elle leur a ouvert d'un air inquiet. Les filles n'aiment pas les rappeurs en soirée, car on fait des cyphers au lieu de les draguer. L'acoustique est pure, jacuzzi est brûlant. Sa cousine est brune, sa cousine est brûlante. Pour pas céder à ses cuisses, il faut se battre contre soi-même. Rends-moi visite dans la cuisine, j'organise une contre-soirée. Assis sur l'évier, on cendrait par terre. Et puis ma langue s'est déliée, le moment semblait parfait. J'ai dit, j'aime comment tu danses, bébé est en toi. Le toit est en feu, le feu est en toi. J'aime comment tu danses, bébé est en toi. Le toit est en feu, le feu est en toi. Attends, je voulais que tu me laisses le temps. T'as toi, j'en pas du dos, j'ai de la lecture quand elle se cambre. On a fini par derrière, elle s'est mise sur le ventre. Elle m'a dit prends les devants, je l'ai prise par derrière. Pas de mytho d'imposteur, j'aime me mettre doux. Je me lève tôt avec l'odeur du pain de mie dans le toaster. La clémentine est pulpeuse, le café est serré. Hier est pulpeuse, la vie d'hier est serrée. La brioche est tressée, le jus d'orange est pressé. La vie d'hier est tressée, et le fennec est pressé. J'aime comment tu danses, bébé est en toi. Le toit est en feu, le feu est en toi. J'aime comment tu danses, bébé est en toi. Le toit est en feu, le feu est en toi.